c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Il a embarqué avec Éric Tabarly, Olivier de Kersauzon, Titouan Lameuse ou Loïc Perron, Armel Lecléache ou encore Michel Desjoyeaux. En 40 ans, le journaliste marin Bernard Rubinstein a navigué avec les plus grands. Il était au départ de toutes les courses importantes, mais sa passion pour la mer et les bateaux l'a aussi conduit sur le pont de l'Abeille Flandre, à bord de ce célèbre remorqueur de sauvetage en mer. Il a vécu des tempêtes mémorables et assisté à des opérations de sauvetage particulièrement mouvementées. Il a aussi connu des moments plus calmes, en séjournant par exemple 8 jours dans le phare de Cordouan. Bernard Rubinstein revient sur ses 4 décennies de passion pour la mer et la navigation dans un livre qui paraîtra le 4 septembre prochain aux éditions Glénat, 40 ans à la barre, les carnets d'un marin journaliste. Cet après-midi, nous allons feuilleter avec lui quelques-unes des plus belles pages de ces carnets. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide du Routard. Avec lui, nous voguerons jusqu'à Belle-Île-en-Mer. Voilà pour la feuille de navigation de la deuxième partie de notre bivouac. Pour Tabarly, c'est gagné. Le Penduic 2, le bateau du navigateur solitaire, a été repéré ce matin à quelques heures de marche de Newport. Éric Tabarly a gagné la traversée de l'Atlantique en solitaire. How many boats in the red are high? You're first. Where are you from? Plymouth. Where? Plymouth, England. Les Britanniques sont résignés à la victoire d'Éric Tabarly dans la grande course transatlantique. Qu'un Français tout seul distance aussi nettement ses adversaires britanniques est une pilule amère à avaler. Je crois que le consul vient de vous apprendre une bonne nouvelle, non? Oui, excellente, oui. Dites-nous-le. Je suis chevalier de la Légion d'honneur. Et... Vous vous y attendiez? Non, pas du tout, absolument pas. Est-ce que vous attendiez à gagner cette course? Au départ, j'avais beaucoup d'espoir. En cours de route, j'ai à peu près perdu tout espoir quand j'ai cassé mon pilote automatique. Et ce matin, quand on vous a annoncé que vous avez gagné, vous avez été surpris, vraiment? J'ai été assez surpris, oui. La voix du navigateur Éric Tabarly à l'arrivée de la transatlantique en 1964. Hein, vous avez tout de suite reconnu Bernard Rubinstein dès les premiers sons. Vous avez reconnu de quelle course il s'agissait. Alors vous étiez encore tout jeune, hein, à cette époque en 1964, adolescent, mais déjà vous deviez rêver l'oreille collée au poste de mer et de grand large. Bah écoutez, en 64, d'abord ça m'a fait énormément plaisir de réécouter ces archives parce ouais. Elles sont connues, mais c'est toujours émouvant de réécouter la voix d'Éric qui a disparu en 98. Alors moi, dans ces années-là, j'étais un gamin, un adolescent, et j'apprenais à faire de la voile au Sable d'Olonne sur un mousse et un vaurien. Donc les exploits de Tabarly, c'était grandiose, quoi. Ouais. Et puis, c'était vraiment le héros. Il y en avait, à l'époque, on n'avait pas la génération des Gabart, des Armel, de Cléache. Il y avait un grand marin, c'était Éric Tabarly, sauf que personne ne connaissait en 64 Éric Tabarly, ce jeune lieutenant de vaisseau dont Paris Match fait la une. C'est une grande première. C'est le grand public découvre ce jeune homme timide dont il est accueilli par ses parents à Newport et découvre son nom. Ouais, alors, pour vous, la rencontre en chair et en os avec Éric Tabarly se fera 9 ans plus tard, en 1973. En tout cas, vous allez prendre la mer avec lui en 1973. Vous allez le rencontrer un petit peu avant et vous le dites dans votre ouvrage, d'ailleurs le nom d'Éric Tabarly est très présent, vous le dites dans votre livre, cette rencontre va changer le cours de mon existence. Oui, d'abord si je suis là, c'est grâce à Éric Tabarly, puisque c'est... Alors d'abord, mon embarquement est quelque chose d'assez étonnant, puisqu'il m'a embarqué sur les conseils d'un sablais, sans me connaître, sans jamais m'avoir vu. Ouais. Et la première fois qu'on se voit, c'est à Brest, dans les bâtiments de l'arsenal de Brest, où est Kersauzon d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avant cette rencontre, vous aviez échangé, vous aviez reçu deux courriers ouais. que je publie dans le livre, que j'ai toujours gardé comme des archives évidemment. Très précieuses. Et donc, sur les conseils d'Yves Guégan, ce sablais qui a disparu, il me dit « Bon, ben, je suis d'accord pour vous embarquer ». Et j'étais pas le seul dans ce cas-là, puisqu'il y a un tas de gens qui étaient à bord de Penduic 6 qu'il avait jamais vu. Quoi. Ouais, c'est-à-dire que, alors là, il vous embarque sur Penduic 6, c'est pour une course, la première course autour du monde. Vous allez être 6 à bord, c'est ah ça? Ah non, on est beaucoup plus. Beaucoup plus que ça? Combien vous serez à bord? Ah, on est 13, parfois 14. D'accord. Alors, il faut peut-être expliquer aux auditeurs ce qu'est la première course autour du monde. Ouais. Donc, c'est la première course. Parce qu'il y a déjà eu des tours du monde. C'est la première course en équipage autour du monde en escale, ouais, sur des bateaux de course. Quatre étapes. Nous sommes en 1973. La White Bread, c'est le nom de marque de bière de cette course. Alors comment se passe la rencontre avec, parce que vous finissez bien par le rencontrer, Éric Tabarly, avant de monter à bord de son bateau, comment se passe la rencontre? Ah ben d'abord je le rencontre, le bateau est en finition dans les grands bâtiments, on appelait ça les bâtiments fer de l'arsenal de Brest. Il était en train de faire ses épissures parce que il apportait un soin tout par ses épissures. C'est des nœuds un peu spéciaux pour les drisses. Et puis donc, il est là, il me dit bonjour. Et puis, il y a Kersauzon qui me dit, je te fais visiter le bateau. Ouais, bon. Parce que Kersauzon fait partie de l'aventure. Ah ben, Kersauzon, c'est le plus ancien équipier d'Éric. C'est le bras droit, c'est l'homme du Penduic 3. Enfin, c'est quelqu'un qui est très proche d'Éric. C'est aussi l'amuseur, enfin, avec tout le reste, l'amuseur d'Éric Tabarly. Et donc, il me fait monter. On gravit l'échelle, le bateau est au sec. Il me dit, alors ça te plaît? Bah, il me dit oui, parce que j'avais jamais vu le bateau, moi. Si ce n'est des photos dans les revues nautiques. Et là, il me dit, voilà. Et puis, alors donc, je découvre le bateau, Éric, qui est pas bavard, enfin, il travaillait, donc c'était pas la peine de déranger. Et puis, le bateau a été mis à l'eau et on a commencé à naviguer. Ouais, c'est ça. Il vous surnomme donc Ruby, Rubinstein. Vous êtes baptisé à vie. Vous serez dans le monde de la voile désormais Ruby. Plutôt bien trouvé, hein, comme. Ouais, c'est pas mal. Il y a que mes frères et sœurs qui m'appellent Bernard. Ouais. Vous savez que c'est la Saint-Bernard aujourd'hui. Mais oui, hein, c'est pour ça qu'on vous a invité, évidemment. Bernard et donc tout le monde m'appelle Ruby, quoi. Ouais. Et ça me va bien. Alors, quel souvenir vous gardez de cette première grande course, tour du monde? Vous étiez 13 à bord. Moins nombreux. Vous étiez 13 à bord de ce bateau, et vous partez, comment ça se passe? Ben on part d'abord, dans ma tête, c'était déjà naviguer, c'était égal, le premier grand bateau de course français. Ouais. Donc c'est imposant, un bateau de 22 mètres, construit spécialement pour la course. On part avec le plus grand marin français, peut-être, enfin même européen, et puis on va passer le Cap Horn, donc on va devenir capornier, et puis on n'est pas les seuls puisqu'il y a 15 bateaux engagés dans la course. Alors comment ça va se passer? Eh ben au début mal, puisque j'y suis pour rien, mais dans l'Atlantique, au niveau de Rio, à la latitude de Rio, on démate et je suis à la barre. Ah, j'y suis pour rien. Vous êtes sûr que vous n'y êtes pas? Non, ça a été vérifié. Donc le bateau, il y avait du vent et il faisait nuit, on allait changer de quart et boum, le mât tombe, donc stupeur. Et bon, on prend les mesures et on part de. Donc, on dématte, on va à Rio. Et à Rio, il y a toute une opération incroyable qui se met en route grâce au bras droit d'Éric, Gérard Petitpas, qui arrive à faire transporter un mât par avion de Paris à Rio. Et à Rio, on met un nouveau mât. Mais la suite, ça continue, puisque à Sydney, au départ de Sydney, le mât tombe une journée plus tard. Donc c'est vraiment la cata, quoi. Deux dématages. Vous allez quand même aller au bout de ce. Ah bah de toute façon, on était parti. De toute façon, il n'était pas question de rentrer par avion. Moi, j'étais. De toute façon, ce que je dis dans mon livre, j'aime la mer et je suis heureux en mer. Donc j'étais avec Tabarly sur Penduic. On est parti de Portsmouth. On est revenu à Brest. Pas très réjouissant. On est arrivé dans l'arsenal de Brest, un peu triste, mais. C'était bien. Et d'ailleurs, je suis même reparti quelques mois plus tard pour refaire d'autres courses avec Éric Tabarly. Ouais. Alors, vous avez donc été à l'école Tabarly, comme bon nombre de marins, hein, finalement. Vous citez une liste. Finalement, tous les marins... Toute l'ancienne génération est passée avec Tabarly. C'est ça. Lamazou, Coste, Poupon, Jean-Louis Etienne, Pajot, et j'en passe. Oui, il y en a d'autres. Ils sont tous passés par l'école Tabarly. Bah, à l'époque, il faut dire que c'était le seul marin qui possédait un grand bateau et qui n'hésitait pas à faire le tour du monde pour aller prendre le départ d'une course. C'était quand même incroyable, quoi. Mmh. Donc, quand vous pouviez naviguer avec Tabarly, vous y alliez. Mais est-ce qu'il était un bon prof, très honnêtement, Tabarly? Vous êtes mitigé là-dessus dans votre livre. Il avait une façon assez étonnante. D'abord, il donnait jamais d'ordre. Ouais. Hein, donc, c'était. Et il gueulait très rarement. Ouais. Alors, si un mec faisait une connerie, il gueulait un bon coup, puis c'était fini. Mais il disait pas, toi, Ruby, tu vas aller faire ci, faire ça, ou toi, machin. En fait, il partait. Il montrait l'exemple. Donc, s'il y avait une manœuvre à faire devant, il partait devant. À vous de le suivre, à vous d'observer comment il faisait, et puis à vous d'assimiler rapidement, parce qu'il fallait pas refaire deux fois la même bêtise. Mmh. Et puis à bord, c'était quelqu'un qui vous faisait énormément confiance, Parce que moi, par exemple, j'étais responsable de la mécanique, je sais pas pourquoi, parce que personne ne voulait s'en occuper. Mais si vous confiez le moteur ou le chauffage, bon, il vous faisait confiance, démerde-toi avec ça, et puis non, c'est très agréable. Est-ce qu'il était, on a beaucoup dit que c'était un taiseux et qu'il parlait pas beaucoup. Vous dites, en gros, dans ce livre, il choisissait les gens à qui il avait envie de parler. Mais il choisissait les gens, oui, mais surtout les sujets. Ouais. Parce que si le sujet l'emmerdait, c'est quelqu'un qui ne parlait pas pour ne rien dire, mais ouais, qui avait une culture maritime immense. Et si vous commenciez à discuter, par exemple, de l'architecte William Five qui a dessiné son Pendwick, ou si vous parliez de la Coupe de l'Amérique, il était très bavard, quoi. Mmh. Donc, alors, il a disparu en mer d'Irlande en juin 1988. Olivier... 18, pardon. 1998, oui, pardon, oui, vous avez raison. Olivier de Kersauzon avait écrit lors de sa disparition « Des marins comme Eric, il n'y en a qu'un par siècle et encore les bons siècles ». La formule est belle, on n'en attendait pas Olivier moins. Olivier avait le sens de la formule. Enfin, ouais, il l'a toujours, le sens de la formule. Cela dit, il reste l'un des marins exceptionnels de notre époque. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres marins ? D'abord, faut quand même dire que l'époque aujourd'hui l'époque est différente puisque les bateaux sont créés par des ingénieurs. Lui, c'était un marin d'exception puisque on peut rappeler qu'il a gagné 64, donc les archives qu'on a écoutées, mais aussi 76, cette même transat sur un bateau incroyable, Pendwick 6, qu'il a amené seul. Il fait demi-tour et il repart. À l'arrivée, on le croit perdu et il arrive anonyme dans le port de Newport. Il faut quand même se remémorer l'événement. Mais c'était aussi, alors c'est un côté que l'on connaît moins. Tabarly, c'était un génie visionnaire, c'est-à-dire qu'il a quand même inventé un tas de choses. Par exemple ? Par exemple, le premier bateau en contreplaqué léger, Pendwick 2. Le premier bateau, grand bateau en aluminium, Pendwick 3, avec un gréement très particulier de goélette. Pendwick 4, le bateau avec lequel Alain Colas a disparu, le premier grand multicoque de haute mer. Pendwick 5, l'ancêtre des bateaux qui font le Vendée Globe, c'est incroyable. Et puis un tas d'équipements. Non, c'était vraiment un mec ingénieux. Et si bien que pour vous qui avez commencé avec lui, vous le dites, ça vous a ouvert les portes. Ensuite, il suffisait que vous disiez « j'ai navigué avec Eric Tabarly » pour que vous puissiez embarquer avec plein d'autres navigateurs. Vous avez ensuite... Alors, vous faites partie de cette génération de journalistes qui considèrent que... Je suis un peu le dernier des dinosaures, hein, quand même. Alors je ne l'aurais pas dit comme ça. Mais la génération de ces journalistes qui veulent aller sur le terrain, vous avez navigué avec Titouan Lamazou, Philippe Poupon, Loïc Perron, Armel Lecléache. Qu'est-ce que vous avez appris au contact de tous ces marins d'exception ? Ben moi, j'ai appris à raconter ce qu'ils vivaient. Parce que interroger un marin pour lui demander comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, en toute modestie, ce que je veux, c'est vivre. Ouais. C'est vivre la mer, vivre l'événement. Ouais. Quand vous avez navigué... Tester son bateau. Oui, oui. Quand vous avez navigué avec Armel Lecléache pendant une nuit... avec de la mer en allant de l'Orient à Saint-Malo et que vous êtes contraint de passer la nuit sur des bateaux en carbone qui sont des vraies lessiveuses, qui sont solides comme des tanks, où vous êtes secoué et lui il est dehors, dans le cockpit, en train de prendre des trompes d'eau, vous viviez vraiment le bateau. Vous pouvez, je pense, on peut raconter comment marche un bateau et ce que peuvent vivre ces marins-là. Moi, c'est comme ça que j'ai pu, enfin c'était peut-être une époque bénie, aujourd'hui c'est... Mais encore, aujourd'hui, c'est toujours possible. On peut toujours embarquer avec tous ces marins-là. Alors, on aura l'occasion d'y revenir dans la fin de l'émission, justement, de cette nouvelle génération de marins avec laquelle vous avez également embarqué. Mais dans un instant, nous allons quitter l'univers de la course pour celui du sauvetage en mer. Nous irons aussi à bord de l'Hermione, le temps d'un bivouac maritime avec Bernard Rubinstein. Slow or to the damn bow of the shadows. to be lost in the world of cliff notes. Me and my boat. You've got no sails, you won't give in to the wind. As far as I can tell, you indulge my every wind. You're so stoked in passion. My boat, sweet anger, sweet salvage, cast anchor upon my fingers. We'll travel. C'était My Boat de Mélissa Lavaux sur France Inter, le temps d'un bivouac. Ces phares construits face à l'océan sont comme un défi de l'homme lancé au grand large. Au plus fort des coups de gueule de la tempête, ces bouts de terre semblent un affront que la mer ne pardonne pas. Le phare de Jean, c'est la Vieille, à quelques centaines de mètres seulement de la pointe du Raz. Pour aller au bout de ce voyage, au cœur de la tempête, il faut embarquer sur l'Abeille Flandre. C'est un remorqueur de haute mer, l'un des plus puissants du monde. Extrait du documentaire « Maudite tempête » diffusé dans Thalassa sur France 3 au début des années 1990. Voilà qui doit vous rappeler des choses, Bernard Rubinstein. Vous êtes en quelque sorte à l'origine de ce documentaire, puisque peu de temps avant, vous étiez allé sur ce bateau, ce remorqueur de sauvetage. Donc, nous sommes en 1990. Racontez, parce que vous avez vécu, je crois, les moments les plus intenses de votre vie de journaliste sur ce bateau. L'un des moments les plus intenses. Ça me fait plaisir d'écouter ce reportage que j'ai fait avec deux amis qui sont devenus des amis. Je les cite, Robert Poli, caméraman, et Dominique Pipa. Mais donc, cette Abeille Flandre, oui, je suis allé. Pourquoi? Si, je me souviens maintenant. Parce que pendant mon service militaire à Brest, il y avait un remorqueur de haute mer allemand qui s'appelait le Pacifique. Et les marins allaient toujours aux mouettes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas embarquer là-dessus, sauf que c'est compliqué. Enfin bon. Donc, sur la baie Flandre, je demande à embarquer avec donc le commandant, c'était Jean Bulot. Et alors, par chance, je sais pas si c'est par chance, je choisis mon temps. Hein, je choisis une époque où il y a des mauvais temps. Et en moins de 24 heures, on ramène deux bateaux, on remorque deux bateaux jusqu'à Brest. Avec du mauvais temps. Oui, c'est-à-dire, vous êtes, alors, faut bien voir ces bateaux, ce sont des bateaux très puissants. Ce sont des bateaux, des monstres capables d'avaler la mer, quoi. Ouais. Mais petits. C'est-à-dire qu'ils sont très puissants, mais ils sont petits par rapport au cargo voilà, qu'ils vont secourir. Ouais. Et en plus, ils ont une particularité, c'est que la plage arrière, enfin, disons, le pont arrière est très bas sur l'eau. Mm-hmm. Et c'est là où les marins travaillent sans être attachés. Ouais. Donc, se fait là. Donc, il faut être extrêmement vigilant, puisque la mer peut passer par-dessus la coque, par-dessus la lisse. Et je me souviens que, lors du, je sais plus quel cargo c'était, si c'était l'Arctique C, À un moment, j'étais sur la plage arrière et j'ai vu cette étrave. Je me suis reculé parce que pour passer la remorque, pour lancer le, pour passer la remorque, Jean Bulot s'était approché très près de l'étrave. Donc c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et Jean Bulot était un artiste. Quoi. Ouais, parce qu'il faut, harnacher finalement le cargo en perdition. Il faut lui passer la remorque. Avec des câbles. Alors on dispose d'un fusil, une petite ligne avec un fusil, c'est le cuisinier du bord. Et puis après, donc. Il faut du talent pour que ce qu'il y a au bout de la ligne arrive sur le pont du bateau. Et après, petit à petit, progressivement, on lui passe d'abord une petite remorque et ensuite la grosse remorque. Et après, il faut le remorquer. Souvent, par exemple, un des deux bateaux n'avait pas de gouvernail. Donc, il était un peu fou. Donc, il faut vraiment... C'est un vrai métier. Ouais. Quoi. Tout ça dans la tempête, évidemment, avec des... mauvais temps, oui, gros mauvais temps. Des vagues gigantesques. Moi, je me souviens, j'étais sur ma couchette, dans mauvais temps, avec la mer, j'étais soulevé de ma couchette et je retombais. Ouais. Mais Bulot était vraiment un artiste. Mais oui, alors Bulot, c'est Jean Bulot, le commandant, surnommé le capitaine tempête. Il décrit ici les conditions de travail de l'équipage. On prend des gros risques, surtout pour les hommes qui sont sous la plage arrière. La plupart du temps, ils ne voient pas la déferlante arriver puisqu'ils sont occupés à faire autre chose. Donc il y a le vieil adage, une main pour soi, une main pour le bateau. Et puis quand quelqu'un voit quelque chose, il communique par signe, si vous voulez. Hein. Parce que, ou par coup de gueule, parce qu'il y a tellement de bruit derrière, avec le bruit des moteurs, des hélices, le vent, etc., que c'est même pas la peine d'essayer de discuter avec eux avec une VHF ou par haut-parleur, ils n'entendent rien du tout. En plus de ça, c'est dangereux, parce qu'ils sont pas assurés, ils sont pas amarrés, ils n'ont pas de harnais, ils n'ont pas de boute. Il faut qu'ils se déplacent, surtout de la plage arrière, et il suffirait qu'à un moment donné, qu'il y ait un gros paquet de mer qui recouvre tout l'arrière, les gars sont ballottés. Leur boute de sécurité pourrait se brêler, c'est-à-dire se prendre dans quelque part autour d'une bite, autour de quelque chose, un organo, quelque chose qui dépasse. À ce moment-là, les fils d'acier qui sont derrière fouettent. Le type ne peut pas se dépêtrer et il peut être coupé en deux ou être éjecté par-dessus bord. On doit se sentir tout petit sur ces bateaux. Les forces en jeu sont phénoménales. Il y a ces câbles d'acier très solides pour harnacher les gros cargos. La mer est déchaînée, il y a le vent. Et comme il l'expliquait, on ne peut pas s'accrocher parce qu'il y a tellement de jeux de câbles qu'on risquerait de se retrouver saucissonné, coupé en deux par ces harnachements. Oui, Jean Bulot l'a bien expliqué. Ce qui est surtout étonnant sur ce bateau-là, ce que je disais précédemment, c'est que les marins qui travaillent, donc qui passent la remorque, ils sont au ras de l'eau, enfin... pas le franc-bord, mais la hauteur de la coque au-dessus de l'eau est très faible. Et alors moi, j'ai une anecdote à ce sujet. À un moment, on a été recouvert par une vague. Et ce qui s'est passé, je ne savais plus si j'étais dans le bateau ou hors du bateau. Ça, c'était vraiment une impression. Ça a duré, je ne sais pas, quelques centièmes de seconde, mais on a été recouvert par... Enfin, j'ai été recouvert par la vague. Et il y avait le caméraman aussi. Et je ne sais plus si j'étais dedans ou dehors, quoi. Ouais, une frayeur. Hein, ouais, mais c'était vraiment excitant et moi c'est des moments vraiment jubilatoires quoi, parce que en plus vous êtes tout seul avec l'équipage, Jean Bulot vous laisse faire ce que vous voulez, vous déjeunez avec l'équipage, enfin vous faites partie. Vous rentrez un petit peu dans la famille, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une aventure de marin, là encore, que vous avez vécue. Et l'aventure vous a tellement plu. Alors, au début, pour ces deux sauvetages, vous y assistez avec votre appareil photo. Oui, j'étais pour le journal de l'époque, c'était Neptune Yachting. Ouais, donc, j'ai écrit, photographe. Alors, j'ai aussi une chance. Je fais texte et photo. Donc, je n'ai pas besoin de s'embêter d'un photographe. Je suis, disons, autonome. Voilà, c'est ça, souple. Mais en revenant, vous suggérez quand même à Thalassa de faire le documentaire dont on a entendu des extraits. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je dînais avec donc ce Dominique Pipa. Je lui dis, on devrait raconter l'histoire d'une tempête. Et j'avais trouvé un titre, Chronique d'une tempête annoncée. Et donc, il en a parlé à Georges Pernoux. Et voilà comment on a fait un document, ce 52 minutes, qui a vraiment eu un gros succès à Thalassa. Mmh. Et moi, j'ai passé avec mes deux compères des moments délicieux, puisqu'on s'est installé à Audierne, avec un hélicoptère, pendant 8 jours. Et encore, c'est quand même de la chance ou le hasard. Pendant 8 jours, il n'y a eu que du mauvais temps. Ouais. Donc, on décollait d'Audierne. On allait tourner la relève du phare de la Vieille ou l'abeille Flandre, où on se posait sur Ouessant. C'était vraiment génial. Alors, vous avez aussi suivi les aventures plus calmes et tout aussi impressionnantes, comme l'aventure de l'Hermione, cette frégate reconstitution du bateau de Lafayette qui a laissé un souvenir impérissable à tous les marins qui ont eu à la manœuvrer. Gouverner au 65. Gouverner au 65. En route au 65. bien. C'est peut-être la dernière fois qu'ils sont à la barre de l'Hermione. Les 78 membres de l'équipage remontent la Charente 4 mois et demi après le début de la traversée. Tom, 22 ans, était gabier et bénévole. Il regrette déjà la fin de l'aventure. C'est un rêve de gosse, travailler sur des bateaux comme ça. C'est tout un esprit marin qui s'anime et ouais, donc c'est un rêve de gosse. Si on me demande de repartir demain, ouais, je signe. Il n'y a pas de souci. Je vais me sentir un peu seul, je pense. Ouais. Ça va être très, très, très bizarre. Beaucoup d'émotions aussi pour le commandant Yann Cariou. Les départs sont toujours très gais, les retours sont jamais gais. C'est toujours un mélange de bonheur de rentrer, mais aussi un peu de tristesse, puisque c'est la fin d'un voyage. Et la machine à rêve revient dans son écrin, et voilà, la boucle est bouclée. Ce fabuleux rêve et défi qui est né il y a 22 ans. Une fois rentré à Rochefort, sous les coups de canon, l'équipage se serre dans les bras, s'embrasse et ils chantent sur le pont « Matelot, vas-y gaiement » face à la foule venue les acclamer. Arrivé le 29 août 2015 de l'Hermione, c'est un extrait du Zoom de la rédaction de France Inter. Alors cette histoire de l'Hermione a fasciné et a plu à énormément de gens. Pour ceux qui n'ont plus le bateau en tête, décrivez-le Bernard Rubinstein, ben, c'est superbe ce bateau. C'est une frégate, c'est la frégate avec lequel, sur lequel Lafayette s'est embarqué pour les États-Unis. Alors moi, en fait, j'y croyais pas. Je trouvais le quand l'association a décidé de reconstruire ce bateau à l'identique. Moi, vous je pensais surtout, je pensais qu'elle allait jamais naviguer. Vous voyez, parce que ça a duré très longtemps. On se posait des questions sur le vieillissement des bois. Mais il y avait quand même un mec formidable. C'était Eric Orsena et puis Bénédicte Donnelly et le maire de Rochefort. Mmh. Et cette Hermione était construite dans un cadre magnifique qui est l'arsenal de Rochefort, la corderie royale. Quoi. Vous avez suivi un peu la construction du bateau? Oui, moi j'y suis allé à plusieurs reprises. J'ai même, pour Thalassa, on a fait quelques sujets. Alors moi, j'ai assisté, ce qui était aussi magnifique, c'est à la descente, c'est la sortie de l'Hermione du bassin de Radoub, c'est-à-dire de l'endroit où elle était, ouais. Et toute la descente de Rochefort jusqu'à la mer, c'était magnifique. Ouais. Magnifique. Ouais. Et j'étais sur un bateau pilote, donc on avait l'occasion de se mettre un peu où on voulait. Et puis aussi, je connaissais le voilier qui a fait ses voiles. C'est Jean-Pierre Burgot de Noirmoutier, mmh. qui était assisté d'une jeune fille. Et puis, donc ça a été aussi une belle rencontre. Ouais. Donc j'avais l'impression, quand ils ont hissé les voiles sous le pont transbordeur, les basses voiles, ça y est, je faisais le voyage entre Rochefort et Noirmoutier. Mais vous voulez dire que vous, le spécialiste des bateaux qui avait navigué sur à peu près tout ce qui flotte, vous n'êtes jamais monté sur l'Hermione en train de naviguer? Non, oui, parce que c'est des bateaux très lents. Ouais. Et c'est pas, par exemple, je suis jamais monté sur le Belém non plus. Ouais. C'est pas des bateaux qui m'intéressent. Je reconnais, j'ai beaucoup d'admiration pour la construction, le gréement, les manœuvres. Mais naviguer sur l'Hermione, si, peut-être aller à Boston avec. Mais naviguer, non, ça, c'est pas mon truc. Ouais, c'est pas un manque. Allez, retour à terre. On a tous des défauts, hein. Bien sûr. Dans un instant, vous allez nous emmener en haut des phares, Bernard Rubinstein. Le temps d'un bivouac sur France Inter. Point rouge dans la nuit, c'est une clope. Je te dis, un point qui danse dans ces collines, on se balade ici. Ma main au feu, un ours qui fume, je n'en crois rien. Il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui suit un sentier, quelqu'un de transi, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays pour vivre, vivant. je n'en crois rien. Il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui cherche à gagner la vallée, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays où vivre. Vivant, vivant de corps et d'esprit. De corps et d'esprit, c'était Bertrand Belin sur France Inter. Alors, nous voilà sur la Couronne. Je comprends pourquoi t'aimes cet endroit. Oh là, quel point de vue. Là, là, donc là, on voit les limites des battures. Les battures, c'est là où ça brise et c'est les limites du plateau rocheux. Donc c'est là, derrière, que les gens viennent en bateau pêcher le bar. Voilà. Et alors, en fait... Si on veut voir la mer, eh bien, il faut toujours monter ici ou alors dans le fût du phare, parce qu'en fait, on est assez mal loti pour voir la mer. Hein. Il n'y a aucune fenêtre qui donne vers l'extérieur, donc voilà. Est-ce que c'est un lieu qui est plein de poésie pour toi ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai une grosse production. Tu écris ici ? Ah oui, absolument. C'est un lieu qui t'inspire ? Ah oui, l'hiver. Ah. C'est un lieu d'écriture. S'il fallait résumer le rapport que tu as avec ce phare, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Je dirais que c'est à la fois une histoire d'amour et en même temps, c'est un lieu où on vient cultiver un peu son spleen. Hein. Dominique Pérez, gardien de phare, extrait d'un reportage diffusé en 2016 sur France 3. Vous dites dans votre ouvrage, Bernard Rubinstein, qui sortira le 4 septembre prochain, on ne raconte pas le phare de Cordouan sans y séjourner plusieurs jours. Nous étions dans le phare de Cordouan il y a quelques instants. Vous y avez passé 8 jours en 1997 dans ce phare de Cordouan. Oui, moment incroyable puisque j'avais choisi la date, puisque c'était les dernières grandes marées du siècle, ça devait être en... Le 11 mars 97. Voilà, merci. Et il a fait un temps exceptionnel, et donc j'étais au plus près avec les deux gardiens, quoi. Donc, ouais. On était une petite famille, et c'est un phare, c'est Versailles au milieu de la mer. Ouais. Vous avez une chapelle, vous avez des appartements royaux, vous avez du marbre, vous avez des décors corinthiens, et vous êtes tous les trois, enfin, les deux gardiens et moi, c'était fou, hein. Et alors, c'est un phare particulier puisque à marée haute, il est isolé, donc là, il est entouré de mer. Ouais. Mais à marée basse, la mer s'en va, ouais. Et donc vous pouvez marcher sur le plateau. Et avec ces deux gardiens, je crois que c'était Loïc et Serge, on est allé pêcher le bar et il y avait une lumière. Vraiment, peut-être un de mes plus beaux reportages et puis un reportage intimiste comme je les aime puisque personne ne peut m'embêter. On est vraiment la petite famille. Je déjeune avec eux, ils regardent la télé. Je peux leur demander des photos. Enfin non, c'était génial, vraiment génial. Dominique Pérez, le gardien de phare que l'on entendait à l'instant, disait que c'est aussi un lieu où l'on cultive son spleen. Vous êtes d'accord avec lui ? Il y a un côté nostalgique, taciturne dans moi, j'ai pas eu ça, moi. J'ai pas rencontré. Non, il y a un problème dans Cordouan, c'est quand vous êtes à l'intérieur de la couronne, vous ne voyez pas la mer. Vous l'entendez, mais vous ne voyez pas. Donc je passais mon temps, et moi j'avais besoin de voir la mer. Ouais. Donc je passais mon temps, il y a un escalier pour aller sur la couronne. Donc je passais l'escalier, je redescendais. Parce que c'est vraiment l'intérieur, mais c'est magnifique. Ouais. Et il y a eu des couchers de soleil où vous avez la roche, la pierre qui rosit. Magnifique. Et puis... C'est un phare qui se visite. Pour c'est ceux un phare qui se visite, mais qui a perdu ses gardiens. Il est gardienné, ouais. Mais les gardiens de phare, au sens phare et valise, ne sont plus là. Ouais. Alors vous racontez aussi votre dernière relève de phare, celle du phare de la Vieille. Racontez. Alors phare de la Vieille, oui, c'est un phare qui est au large de la Pointe du Raz. Alors moi, j'ai eu la chance, de passer, ça devait être 5-6 jours à bord de la vedette qui faisait la relève des phares. Ils s'étaient défendus, mais ils ont accepté de me prendre. Et donc j'ai fait la relève, d'Armen, mais la Vieille, Quiréon, la Jument, les Pierres Noires, donc c'était... Comment on accoste sur ces phares qui sont en pleine mer, alors? On les accoste pas, c'est impossible, parce que vous avez de la mer, sauf les Pierres Noires. En fait, il y a la vedette qui arrive au pied du phare, et on tend un bout, un cordage, entre le phare et le bateau. Et on installe un petit siège, un petit ballon, et on monte, les gens du phare font tourner la manivelle, et vous montez sur le petit ballon. Ça dure c'est très rapide, mais impossible d'accoster, vous casseriez la vedette. Donc c'est un peu une sorte de petit téléphérique avec ce ballon, c'est ça ? Oui, un petit téléphérique. Alors les Bretons, ils appellent ça, ils ont toujours un langage imagé, un cartahu. D'accord. C'est impressionnant ou c'est amusant à faire ? C'est très rapide, et puis s'il y a trop de mauvais temps, ils acceptent pas de vous transporter. Mais j'ai eu la chance d'aller dans Armen, quand même, le phare le plus éloigné des côtes de France, c'est minuscule, incroyable, il y avait encore le feu à pétrole. À la Vieille aussi, il y avait encore un feu à pétrole. Ce qui est étonnant dans les phares, c'est que ce sont des constructions tout proches de la Terre, mais qui n'ont pas changé avec les siècles. Ouais. Il y a encore aujourd'hui des gardiens de phares ? Alors, bonne question. Je vais lundi. Oui, il en reste un au Cap Fréhel. Tonton l'appelle. Et alors, j'y vais lundi avec un de ses confrères, François Joas-Poutrel. Ils ont été ensemble au Roches d'Ouvre. Alors lui, c'est un gars étonnant puisque c'est lui qui a peint le phare des Roches d'Ouvre à la manière de. Donc c'est un peu un artiste, il est resté 20 ans au Roches d'Ouvre, il a peint le phare des Roches d'Ouvre à la manière de Mathurin Méheux, Kalischensky, incroyable, et donc on y va lundi. D'accord, donc vous serez dans ce dernier phare encore qui est un phare à terre quand même, mais ça fait rien, il est pas très beau d'ailleurs, mais ça fait rien, c'est intéressant de récolter les derniers souvenirs de ce gardien. Ah ben vous allez être bien accueilli après avoir dit juste avant d'y aller que le phare n'est pas très beau. Il est un peu rigide. Pendant ces 40 années, Bernard Rubinstein, vous vous êtes intéressé à bien des sujets, on l'entend, ayant trait avec la mer et à la navigation, mais avec toujours un œil sur les navigateurs et les grandes courses. Et vous avez donc vu succéder deux générations. Vous avez récemment navigué avec Armel Lecléache. C'était en 2012. Quel souvenir vous gardez ça ? C'était encore un souvenir. J'ai navigué deux fois avec Armel. Lui, il faisait pas très beau, donc ce que j'expliquais précédemment, c'est qu'il était impossible de rester dehors, sous le cockpit. Lui seul est resté dans le cockpit. Dans le cockpit, c'est la partie, vous avez, si on résume, l'intérieur du bateau, puis à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le cockpit. Mmh. Et lui, il était dans le cockpit, combinaison étanche, sous des trompes d'eau. Et nous, on était à l'intérieur, en train d'attendre que ça se passe. On a passé une nuit, mais moi, je me demande toujours comment ils font, quoi, pour faire le tour du monde sur des machines comme ça. Ouais. Des véritables machines à laver. Alors... Et en plus, elles sont en carbone. Donc c'est extrêmement rigide, sonore. Et vous dormez, mais bon, ça va, c'est une nuit, c'est intéressant. Pour une nuit, ça va. On n'est pas des héros. On a tous un peu l'impression, en fait, d'avoir navigué avec Armel Lecléache, car aujourd'hui, les skippers ont des caméras embarquées et nous font vivre leur course en direct, comme ici, en 2016, pendant le Vendée Globe, sur le bateau d'Armel Lecléache. Depuis ce matin, le bateau est arrivé dans l'océan Indien avec le cap de Bonne-Espérance avant demain soir, dans la nuit qui suit. Et on a toujours un peu de vent, là on est manœuvré. La tenue est étanche, que dehors c'est un peu humide. Je vais me faire un petit thé pour réchauffer un petit peu tout ça. Je vais vous montrer un petit peu l'ambiance dehors, vous allez voir, c'est un peu gris. Ça va pas appuyer les oiseaux, mais ça va pas tarder. On fait route vers le cap de Bonne-Espérance. Allez, bye bye, bonne journée. Les règles du jeu ont quand même bien changé depuis que vous avez débuté il y a 40 ans, Bernard Rubinstein. Aujourd'hui, ils sont en connexion permanente. En tout cas, on en a l'impression avec ces vidéos. C'est vrai que c'était pas du tout ça à l'époque où vous avez commencé avec Tabarly. Ben oui. Moi, je regrette d'ailleurs un peu cette... sans jouer les vieux cons, disons-le. Mais trop de communication tue la communication. Et moi, j'aimais bien dans les premières courses ce côté mystérieux, quoi. C'était vraiment une aventure. Le gars arrivait, coupait la ligne d'arrivée. Et là, il racontait, il se vidait de toutes ses paroles. Là, maintenant, l'interview est faite 3 jours avant. C'est un peu dommage. Les images sont vues. Bon, mais il faut vivre avec son temps. Ça a changé. Rien à faire. Ça a changé. Et puis les hommes aussi. Ont changé. Les hommes ont changé. Alors de quelle manière? Les skippers ont changé. Des coureurs formidables, mais des marins vraiment super. Mais sont aussi des ingénieurs. C'est des gens, sans être péjoratif, un peu formatés. Ils n'ont plus l'épaisseur qu'avaient des Rick Guidel ou des gens comme ça ou des Carsozon qui étaient vraiment un peu drôle. C'est un peu dommage, mais c'est le monde qui a changé, c'est la vie qui va comme ça, quoi. Mais et puis alors ils sont tous très bien préparés, ils ont leur équipe d'assistance, leur attaché de presse pour parler avec le skipper, faut passer. Et moi j'ai connu alors 78, 76 même la première Transat à Plymouth, la Transat, celle que va gagner Eric Tabarly, c'était vraiment l'aventure, quoi. Les gars finissaient une heure avant le départ, ils terminaient le bateau, quoi. Bon, mais c'est comme ça. Alors, les bateaux aussi, se sont transformés petit à petit, ils se sont mis à voler. François Gabart nous avait décrit son trimaran massif dans le temps d'un bivouac l'année dernière. C'est un bateau qui arrive au fait au début de cette révolution du vol en course au large. C'est un bateau qui fait 30 mètres de long, 23 mètres de large, un mât à plus de 35 mètres, qui va peser à peu près 14 tonnes, qui a des foils. Donc les foils, il faut imaginer comme des ailes d'avion qui, en lieu et place de s'appuyer dans l'air, vont s'appuyer dans l'eau. À quoi ça sert? Ça permet, en s'appuyant dans l'eau, créer une force verticale vers l'eau qui permet au bateau donc de monter un petit peu au-dessus de l'eau. C'est la première fois que ces foils avaient cette forme un petit peu particulière qui permettait d'avoir une certaine stabilité et qui permettait au bateau de commencer à voler. Je dis commencer parce qu'on était vraiment au balbutiement du vol. On avait des foils qui structurellement n'étaient pas aussi longs, aussi fins que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et donc qui permettaient pas forcément au trimaran massif de voler loin au-dessus de l'eau. Mais il y avait certaines conditions où la mer est plate, comme j'avais pu le vivre là quelques jours avant cet enregistrement, où la mer était parfaitement plate dans l'Atlantique Sud, où le bateau allait vraiment pouvait aller très très vite, sans forcément, sans avoir besoin d'une énergie folle, conditions de vent particulières. François Gabart décrivant son bateau. Vous, Bernard Rubinstein, qui les avez tous essayés ou presque, ces bateaux, vous les avez vus se mettre à voler. Quel regard vous portez sur ces bateaux devenus des bateaux volants? Ce sont des machines extraordinaires. Et moi, ce qui m'étonne, c'est comment François Gabart, marin superbe, mais bon, c'est pas un monstre de muscles, et ils arrivent à amener ça autour du monde, quoi. Moi, je suis stupéfait. Alors, évidemment, on peut pas partir avec eux, puisque ça se fait en solitaire. Mais ils ont une maîtrise, un sang-froid, un sens de la mer incroyable, quoi. Et la nouvelle génération des bateaux, des foilers, ce qu'expliquait, vous savez, ces foilers. Tabarly a quand même battu le record de l'Atlantique sur Paul Ricard, qui est un foiler. Mais on va arriver à quelque chose d'étonnant. La technologie est en marche et rien ne va pouvoir l'arrêter. Ouais. C'est des bateaux qui marchent à 40 nœuds. C'est fabuleux. Merci Bernard Rubinstein. Votre livre paraîtra le 4 septembre prochain aux éditions Glénat. Il s'intitule 40 ans à la barre, les carnets d'un marin journaliste. Nous n'en avons feuilleté que quelques pages. Il y a bien plus à découvrir dans ce que vous avez vécu pendant ces 40 années. Allez, dans un instant, Pierre Josse nous emmène à Belle-Île-en-Mer. Brother, where have you gone? So you're serious, you have become blind martyr and executioner in the name of your absent father, or so you claim. Brother, what have you done? Take a knife and shooting at your sons. Why so threatened by the trivial? Why so cold and literal? Or so it seems. can't assume these walls. Don't you know that all that rises shall fall? And no bricks shall ever dissuade. See us climb above the barricades. Oh, and sink in. Hey, sister, where are we heading? We're lonelier than ever. Just look at us trying. This competition is insane. We're all convinced we're losing the game. Or so we're told. Yes, we need hope. Give us times and mystery. Cause we need song. Oh, give us times. We need love and innocence. Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us times and mystery. Cause we need song. Oh, give us times. We need love and innocence. Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us times and mystery. Cause we need song. Yes, give us times. We need love and c'était Brother de Loudoyon sur France Inter dans le temps d'un bivouac. La programmation musicale de l'émission est signée Thierry Dupin. Et à la technique aujourd'hui, avec nous, il y a Florent Bujon et Antoine Théboul. Et à 17h53, il est temps de retrouver pour la dernière fois de l'été notre train de savate planétaire, Pierre Josse. Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion. Toujours les valises. Sur France Inter. Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai, un baiser de Russie, un banco à Bangkok. Le temps d'un bivouac. Mais je vous dis qu'il nous aura tout fait. Tout. Bonjour Pierre Josse. Bonjour Daniel. Rédacteur en chef du Guide du Routard, aujourd'hui vous nous emmenez à Belle-Île pour une baignade revigorante. Oui, je suis un fou amoureux de Belle-Île depuis plus de 40 ans. J'ai même fait 10 ans de psy pour en décrocher, mais rien à faire, je suis possédé par cette île. Je ne guérirai jamais. Pas seulement parce que je suis breton, en effet. La Belle-Île mania peut frapper insidieusement, lâchement, tout le monde. Quant à l'eau froide, faut pas exagérer. Et je n'opposerai que mépris à votre provoque, car il lui arrive au moins de faire 18 degrés. Bon, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les autres îles, l'île de Ré, par exemple? Ah ben Ré, parlons-en. Vous montez sur une caisse de crocs et vous en voyez tous les contours. Tandis que Belle-Île, c'est tout le contraire d'une mièvre géographie. D'ailleurs, les navigateurs grecs, qui s'y connaissaient, la baptisèrent Kalonessos, la Belle-Île. Et le miracle de Belle-Île, c'est justement cette longue écharpe de champs et de pâturages, ces landes sauvages aussi, ce vert omniprésent que broutent chevaux, vaches et moutons, ces immenses ronciers qui couvrent de profondes vallées, entrecoupées de falaises de schiste invraisemblables. Et Julien Gracq aurait probablement parlé ici de fascinant paysage rappelant l'Amazonie ou l'Orénoque, avec le même fougue à décrire les bords sauvages de la Loire. D'ailleurs, quand du côté de Locmaria, je vais à la cueillette des murs, j'emporte mon coupe-coupe. Et puis, Belle-Île, paradis et enfer des cyclistes aussi. Un peu antinomique, vous ne pensez pas, Pierre ? Pas tant que ça, Daniel. Paradis pour les somptueux paysages découverts au long de routes improbables, dont certaines en terre battue, avec au détour d'un virage, tout à coup, une plongée brutale sur la mer. Ou alors, dans de mystérieuses et sombres vallées. Ou encore, dans des paysages harmonieux de pins maritimes, dorés, flamboyants au soleil couchant, bon, quasiment toscan, dirais-je. L'enfer, ah, parlons-en, à cause du relief accidentel. accidentée et des pentes impitoyables. Daniel, citez-moi une seule île du Ponant où vous trouverez des portions de route interdites aux cyclistes, tant elles sont pentues et abruptes. Les malheureux sont donc contraints de prendre le vélo à la main et comble du déshonneur de redécouvrir momentanément les vertus et les plaisirs de la marche à pied. Alors justement, quand on n'est pas cycliste, qu'est-ce qu'on peut découvrir à Belle-Île ? Eh bien, tant de choses. D'abord, l'un des sentiers côtiers les plus séduisants de Bretagne et même de France. Nul obstacle de béton ou barbelé agressif de riches résidents comme sur la Côte d'Azur. Non ! D'une poignante sauvagerie sur tout le parcours. Il ne cesse de plonger dans les vallons, de remonter, de contourner, de livrer de surprenants points de vue. C'est d'ailleurs là que vous choisirez la plage la plus pittoresque et insolite, celle correspondant à vos rêves et à vos fantasmes. Et vous n'avez pas peur, justement, avec votre enthousiasme, d'envoyer encore plus de monde sur ces plages, Pierre ? Non, pas du tout, j'ai pas peur. Même, je dois l'avouer, si je risque une solide engueulade de la part de mes potes pour avoir parlé de Belle-Île. Et oui, c'est vrai que tous les amoureux de cette île souhaitent préserver leur tranquillité et qu'on en parle le moins possible. Cependant, il y a exactement 52 plages à Belle-Île et à peine une dizaine sont à poil fréquentées. Les autres sont à découvrir au hasard du sentier des douaniers ou alors en écartant d'immenses fougères dissimulant les sentes qui y mènent. Et là, au bout, un 15 août, et je vous le jure, j'ai vérifié chaque année, une plage déserte ou une famille tous les 10 ou 20 mètres. Quoi d'autre à découvrir sur Belle-Île, Pierre ? Eh bien, la citadelle du Palais, ses remparts, l'adorable port de Sauzon, les aiguilles de Port-Coton, l'insolite villa de Sarah Bernard, la plage de Donan. Cependant, mon grand coup de cœur, c'est la librairie Libère au Palais, une des plus séduisantes de France. Une librairie comme on les aime, de charme, une atmosphère envoûtante, des livres introuvables, de profonds fauteuils, une riche animation culturelle. Et ne manquez pas d'y acheter cet ouvrage magnifique, Belle-Île en mer, au temps de la préhistoire, tout juste paru et superbement illustré par Gérald Muche, l'un des plus grands artistes de l'île et archéologue par passion. Allez, on va résumer. Belle-Île, ce sont tous les orgasmes imaginables. Physiques, esthétiques, océaniques, gastronomiques, littéraires. Là aussi, l'appel est trop irrésistible, l'addiction inévitable. Merci Pierre Josse. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique Vagabonde, une coédition Hachette Le Routard. C'était un plaisir de traverser l'été avec vous tous les mardis, Pierre. Eh ben, je suis prêt à revenir quand vous voulez, même en hiver. Ah, très bien, merci à vous. Nous sommes sauvés, le monde existe, le soleil brille, et il y a aussi des oiseaux. Ah, la vie est belle, nous verrons tout cela un jour. En avant la musique! Demain, nous plongerons dans le passé des océans à la découverte d'une faune aquatique aujourd'hui disparue. Et à 17h, nous partirons sur les traces de l'un des plus grands ethnologues du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss. À demain donc pour de nouvelles aventures.